Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Gaëlle, lève-toi. Paolo Roberto est à l'hôpital de Söder avec Myriam. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens. Myriam, j'ai cru qu'il l'avait tuée. J'ai réussi à la traîner jusqu'à ma voiture. Tu crois que ce gros à queue de cheval fait partie d'une secte de lesbiennes sataniques? Ça ne tient pas à Blublanski. Putain de monstre. Où est-ce qu'elle est à Planck Burman? Nulle part dans l'univers infini des noms. Je pense que le témoignage du boxeur nous oblige à tout reprendre depuis le début. Peut s'exprimer comme étant la somme de deux. T'es prêt à oublier qu'on a affaire à une dangereuse psychopathe et tu trouves ça professionnel? Tu me fais chier avec tes conneries. C'est merveilleuse de cette proposition. Où est-ce que tu dois attacher tes petits dossiers de merde? Et cette proposition est vraie pour tous les nombres qui ont une puissance supérieure. Ok. De qui vient la fuite? Modig, je vous écarte de l'enquête. Je vous promets que j'y suis pour rien. Putain de monstre. Putain de monstre. 11e épisode. C'est pas une bonne idée que tu te planques ici. Tu veux que j'aille où? Démerde-toi. T'as peur? T'as vu le bordel? Tout foire. Salander nous glisse entre les doigts. Et quand on chope sa copine, le boxeur du siècle surgit de nulle part. Je te jure, Maguet, c'est la première fois que je perds un combat. Encore heureux que t'aies tout fait cramer. Qu'est-ce qu'on fait? T'as entendu ça là? Il faut retrouver Salander, y'a que ça qui compte. On a réussi à se débarrasser des journaleux avec Burman. C'est la seule qui peut encore les conduire jusqu'à ça là. Bioman, quel branleur celui-là. Un coup de bol que j'étais là quand le journaliste l'a appelé, ça l'a paniqué. L'autre coup de bol, c'était les empreintes de la poufia sur le flingue de Burman. Il a commencé à chier dans son froc. Il m'a même menacé avec son flingue. C'est pas des trucs à faire. Seulement maintenant, la chance a l'air de tourner. Et on n'a toujours pas mis la main sur ce putain de dossier. T'es sûr que t'as bien fouillé? Sûr, il y avait rien. Putain. Quoi? La maison de campagne. Je suis allé une fois chez Bioman dans sa maison de campagne. Il avait sorti un classeur avec des papiers sur Salander. Ah bravo. C'est maintenant que tu t'en souviens. Benny! Oh, Benny! Ramène-toi là! Toi, tu restes ici. Et nous, on va allumer un nouveau feu de joie. Chez Burman, cette fois. Des signalements à Göteborg et à Norrköping. Göteborg, on peut oublier, que des trucs loufoques. Et Norrköping? On aurait vu une fille qui ressemble à Salander. On a mis en place une surveillance discrète à l'adresse indiquée. Tu sais où est Fasté? Il ne répond pas son portable. Non, je sais qu'il était furieux après la réunion de ce matin. Et avec moi, on va voir Ericsson. J'aimerais savoir où il en est. Voilà. Bon. Il doit pas être bien long. Regarde, il a laissé son téléphone. Bon. On y va. Boblanski, qu'est-ce qui t'arrive? Comme un pressentiment. Deux secondes. Allô? Salut Ericsson, c'est Tony. Encore merci pour l'info de l'autre jour. C'est du nouveau? Vous êtes Tony Scala? Le salopard. Qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Allô? Yerke, toujours à l'entrepôt. L'incendie est éteint. On a fait venir un chien au cas où pour renifler les décombres. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Dans les décombres. Après, on a fait une pause. Parce que sur les incendies, les odeurs sont très fortes et les chiens ont besoin de se reposer la truffe. Elles sont tellement fortes... Putain, tu m'appelles pour me donner des nouvelles du chien? Attends. En se baladant dans le coin, le chien a marqué. Ça à 75 mètres de l'entrepôt, dans la forêt. On a creusé, on a sorti une jambe humaine avec le pied et une chaussure. C'est un homme. Mon Dieu, Yerker, il faut... Je sais. J'ai interrompu la fouille, j'ai réclamé un médecin légiste et une équipe technique. Parfait. J'ai pas fini. Il y a 5 minutes, le kleps a marqué de nouveau. À une petite centaine de mètres du premier endroit. On a trouvé un deuxième corps. Merde. Dis-moi, la jambe, elle a été découpée à la tronçonneuse ? Paolo Roberto nous a parlé d'une tronçonneuse. C'est trop tôt pour le dire. Ok. Tu me rappelles quand tu as du nouveau. Tu vas me dire ce qui se passe ? C'est une histoire de dingue. Lisbeth est vraiment la gamine la plus difficile dont j'ai eu à m'occuper. Je me demande si j'agis bien en m'opposant à son retour à l'hôpital psychiatrique de San Stéphane. Elle est déjà venue à bout de deux familles d'accueil. Suis-je la bonne personne pour s'occuper d'elle? Ne faudrait-il pas plutôt la confier à de véritables spécialistes? Je ne sais plus ce qui est bien ou mal, mais je l'aime beaucoup. Elle est venue hier soir à la maison. Je lui ai fait à manger. Je lui ai beaucoup parlé. Elle m'écoutait sans rien dire, répondant à peine à mes questions. Je lui ai fait promettre de venir me parler quand quelque chose n'allait pas et de ne plus fuguer. Je me souviens de tout, le cœur. Du moindre mot que tu as prononcé ce soir-là. Rapport de police de 91. Rapport médico-légal de Peter Deleborian. Lettre de Björk à Deleborian. Il est important que l'enfant prenne du recul par rapport à la situation actuelle. Je ne saurais juger de son état psychique ni des soins dont elle a besoin. Et plus longtemps elle restera en hôpital psychiatrique, moins il y aura de risques qu'elle crée involontairement des problèmes dans l'affaire qui nous préoccupe. L'affaire qui nous préoccupe. Téléborian connaissait Björk. C'est pas un hasard si c'est Téléborian qui s'est occupé de moi à Saint-Stéphane. Il fallait me mettre hors circuit. Mais comment ils se sont connus? Quelle bande d'enfoirés! Simplement, je peux faire parvenir. Venez. Pardon? Raccrochez et venez avec moi, vite. Il y a un problème. Je vous rappelle. Boublonski, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Hé, hey, Erickson! Erickson! Qu'est-ce que tu fous? Mais tu me fais mal! Boublonski, arrêtez! Est-ce que c'est ton portable? Lâche-moi. Est-ce que c'est ton portable? Oui, mais lâche-moi. Sûrement pas. Tu es en état d'arrestation. Pardon? Je t'arrête pour violation du secret professionnel et obstruction à une enquête judiciaire. Tu as une explication valable à me donner au sujet des appels que tu as passés à Tony Scala? Non? Alors je t'arrête. Björk. Ma prochaine visite, ce sera pour toi. Cherche. J'ai une semaine de merde et je suis de mauvaise humeur. Parez-vous. T'as entendu, Benny ? Tu fais la maline, hein ? Je crois qu'un vrai mec, ça lui ferait du bien à cette guinasse, là. Ah, t'as raison, ouais. Fais-lui tâter de la bite à cette guine. Viens là ! Bats-toi, espèce de porc ! T'as vu la gouille ? Elle t'a pas loupé ! Tu veux avoir espèce de sale chiennasse ! Tiens, il vole dans ta gueule ! Comme un porc ! Tu sais que c'est dangereux de se balader avec un flingue. Faites beau rêve. Je vais te tuer. Bouge pas. Bouge pas. Merci pour l'arrêt. C'est cool. Attendez, entrez. Je vais parler, mais à certaines conditions. Je t'écoute. Je serai pas cité dans le reportage de Millennium. On est d'accord. Je plaisante pas. Je veux un engagement par écrit. Je t'ai dit d'accord. Mais tu me dis tout. Si je découvre que tu t'es foutu de ma gueule, je te balance. Avec ou sans engagement par écrit. Asseyez-vous. Je vais vous dire qui est Salah. Pour l'un, ça n'a pas été trop dur. On a trouvé son portefeuille avec sa carte d'identité plastifiée. C'est qui ? Vagabond. Il était fiché chez nous. Kenneth Gustafsson de son vrai nom. Ah, ça me dit quelque chose. Trafic de drogue et vol à la petite semaine ? Exact. Faut juste vérifier que la carte d'identité est bien la sienne. Les légistes vont s'amuser à recoller les morceaux. Il est en pièces détachées. C'est une tronçonneuse ou pas ? Vu les blessures, ça collerait. On va vérifier. Et l'autre corps ? En cours d'identification. C'est du bon boulot, Yerker. Écoute, je sais que ta journée a été longue, mais est-ce que tu pourrais faire un tour vers Strängnäs ? Pour ? Un retraité appelé les flics. Il a entendu un coup de feu dans la maison d'un voisin et il est allé voir. Il a trouvé deux types assez sérieusement blessés. Devine à qui appartient la maison. Vas-y. Nils Bjurman. D'accord. Je vais y aller. comprends bien, vous êtes tombé sur deux motards blessés, allongés à côté d'une Harley Davidson. L'un des deux a versé une balle dans le pied, mais vous n'avez pas trouvé d'arme. C'est bien ça. Mais genre de type, ils ne viennent pas à deux sur une seule moto. Ah non. Alors il manque une moto et une arme. Ça veut dire qu'il y avait une troisième personne. Ça me semble logique. Mais elle serait arrivée comment, cette troisième personne? En moto ou en voiture? Et elle serait repartie en conduisant deux engins à la fois? Ou alors elle habitait dans la maison? Ça m'étonnerait. On va faire une petite enquête de voisinage. Vous êtes entré dans la maison? Oui, la porte était ouverte. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Juste un tas de classeurs sur la table de la cuisine. Je vais jeter un œil. Allô? C'est Yerker. On a du nouveau. Je t'écoute. Le premier type s'appelle Magué Lundin. Commotion cérébrale, mâchoire brisée, deux dents cassées et une balle qui lui a traversé le pied. L'autre s'appelle Nieminen. Pas de blessure apparente, mais il était inanimé à l'arrivée du premier témoin. Tu veux me faire gober que Lisbeth Salander est allée chez Bjurman et qu'elle a réussi à mettre en pièces deux bikers à elle toute seule? En tout cas, la voisine est formelle. Une fille de petite taille arrivée à pied vers midi. Vers 15h, deux hommes à moto ont déboulé. Peu après, la fille est repassée en sens inverse sur une des motos. Et ensuite, les flics sont arrivés. Et il y a un détail bizarre. Quoi? Le blouson de cuir de Nieminen. Il a manqué un morceau dans le dos. Juste à l'endroit du logo de leur club de moto. Pourquoi Salander aurait fait ça? En souvenir? Je dirais plutôt comme un trophée. Magnus Lundin est gros, blond, avec une queue de cheval. Ça ressemble à la description de l'un des deux ravisseurs de Myriam Wu. Yerker, on m'appelle sur mon portable. Je te laisse. Je te tiens au courant. Allô? C'est Tarmansky. Je voulais vous présenter mes excuses. J'ai appris pour Ericsson. Je l'ai viré. Vous n'y êtes pour rien? Si, c'est de ma faute. J'aurais pas dû le mettre sur cette enquête. Ni lui, ni Bowman, d'ailleurs. Ils détestaient tous les deux Salander. À cause de quoi? Quand Ericsson est arrivé, je l'ai affecté à la surveillance d'une chanteuse qui recevait des menaces d'un admirateur un peu trop enthousiaste. Ericsson était souvent dans sa villa. Il a volé 5 photos intimes de la chanteuse et les a revendues 5 mois plus tard à un tabloïd d'anglais. Et vous l'avez pas viré plus tôt? J'en savais rien. C'est lui qui vient de tout avouer. Et quel rapport avec Salander? Elle avait pigé. Et elle avait menacé de tout raconter s'il recommençait. Pourquoi elle l'a pas fait? J'imagine qu'elle n'avait pas assez de preuves. En tout cas, il voulait sa peau. C'est pas le seul. Le vrai nom de Salah est Alexander Salachenko. Comment le trouver? En fait, il n'existe pas. Tu te fous de ma gueule? Vous ne le trouverez pas dans le registre de l'état civil. C'est ça que je veux dire. Ce que je vais vous raconter est classé secret défense. C'est pour ça que mon témoignage doit rester anonyme. On est d'accord. Je plaisante pas. C'est un des plus grands secrets de l'état suédois. Un reste de la guerre froide. Alexander Salachenko est né en 1940 à Stalingrad. Ses deux parents sont morts au cours de l'offensive allemande sur le front Est pendant l'opération Barbarossa. Il a grandi dans un orphelinat dirigé par l'armée rouge. Vous avez entendu parler de la GRU? Les services de renseignement de l'armée soviétique? C'est ça. Le KGB contrôlait la sécurité intérieure du pays, mais la GRU dépendait des militaires et avait en charge les opérations extérieures. C'est là qu'il a fait carrière. Les militaires de l'orphelinat l'avaient repéré, c'était un adolescent très intelligent. Il a été envoyé à Minsk à 18 ans pour suivre une formation spéciale. Ça commence comme un roman d'espionnage. C'en est un. Et vous n'avez encore rien entendu. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 11e épisode. Avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Steve Tienche, Maggie Lundin, Jochen Hegele, Ronald Niedermann, André Marcon, Yann Boublanski, Philippe Bautier, Kurt Bolinder, Christophe Holwright, Jerker Holmberg, Pierre-Yves Desmonceau, Holger Palmgren, Alain Fromager, Richard Ekström, Jean-Gilles Barbier, Ericsson, Jean-Marc Lebars, Benigni Minen, Quentin Bayot, Gunnar Björk, Miglen Mirtchev, Dragan Armansky. Et les voix de Fabrice Herbeau, Jacques Pratoussi, Romain Lemire, Brice Berrier, Claire Latreille, Alexandre Martin, Guillaume Clayson et Netta Landau. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.